Pour du plaisir garanti, c'est au club de golf de Chibougamau qu'il faut aller. Que ce soit pour une partie à la journée ou pour devenir membre, le club de golf de Chibougamau est l'un des plus beaux clubs dans la région, avec la qualité des verres qui fait l'envie de plusieurs clubs. De plus, nous offrons la salle pour vos différentes réceptions. Appelez sans tarder au 418-748-4709. Le club de golf de Chibougamau est très heureux de participer à la chronique du directeur général Michel Lallemand et souhaite une bonne année aux différents golfeurs du Pour vos différentes pièces automobiles, c'est l'équipe de pièces auto La Voix Baudry Napa qu'il faut voir. Une équipe chevronnée, d'expérience, avec des prix imbattables. Pièces auto La Voix Baudry Napa, 890, 3e rue Chibougamau, 418-748-6426. L'équipe de pièces auto La Voix Baudry Napa de Chibougamau souhaite une bonne saison à tous les golfeurs. On va parler de golf avec notre ami Michel Lallemand. Salut Michel. Bon matin, Denis. Michel, j'en ai parlé dans le bulletin de sport local le matin. Pierre-Alexandre Bédard est en bonne position à Rimouski. Deux semaines, ouais. Une excellente première journée, puis même il avait démarré encore plus en forme parce qu'il était à moins 4 hier après son premier 9, il a terminé à moins 2, à deux coups des meneurs, donc un excellent départ dans le tournoi qui va se compléter aujourd'hui. Je pense que le terrain, je lisais dans le quotidien ce matin, il disait que le terrain l'avait avantagé, je pense, c'est ça? Oui, mais dans le fond, c'est un terrain qui permet la longue balle. Ouais. Donc, c'est un terrain assez permissif. Fait que c'est une des facettes du jeu où ce que Pierre-Alexandre excelle. Donc, en plus, bien évidemment, de son excellent travail sur les vagues. OK. Bon, on va se parler maintenant de deuxième soirée des dames qui a eu lieu mardi. Comment ça a été? Oui, disons, dans des conditions météo très difficiles. Ouais. On a eu quand même là, 6 participantes et comme on vise beaucoup le développement de la clientèle féminine, on est très très satisfait de la réponse à date et on va poursuivre jusqu'à la fin de la saison, c'est confirmé. OK. Demain également, le premier vendredi fou, c'était lieu semaine passée. Là, il va y en avoir un demain si la nature le permet, parce qu'on annonce de la pluie ici à Dolbeau. Je ne sais pas si à Chibougamau ce qu'on annonce, là, mais ça ressemble à ça. Hein. On annonce un petit peu de pluie, effectivement, ouais. Oui. Par contre, on annonce 18-20 degrés, puis peut-être moins de 1 mm. Donc, d'après moi, les conditions devraient quand même être assez bonnes. À date, on a déjà une trentaine d'inscriptions. Ah, c'est bon. Si la température veut collaborer, on devrait regrouper facilement à l'entour d'une cinquantaine de participants dans une formule très, très amicale où on invite aussi les non-membres à venir essayer le golf. OK. Donc, il y avait également un tournoi Calcutta en fin de semaine. En fin de semaine dernière, oui, on a eu ouais. Un Calcutta d'ouverture. 48 joueurs, une douzaine d'équipes. C'est très bon. On a eu des bonnes performances. Une équipe qui a fini à moins 12, un autre à moins 11. Donc, chez vous du beau golf, les conditions étaient bonnes. On a terminé juste avant les orages. Donc, très, très belle journée qui s'est prolongée avec un souper sur la terrasse et une belle ambiance. OK. Ça fait-tu pas mal de tout? Y a-t-il d'autres activités à surveiller peut-être en fin de semaine? Non, en fin de semaine, c'est tranquille. C'est la Saint-Jean-Baptiste, donc ouais. Les gars vont à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on a prévu notre tournoi vendredi soir, et on n'a rien pour la fin de semaine. C'est ouvert à toute la population. OK. Donc, évidemment, on espère qu'il y ait de la belle température. Ce serait ça qui serait intéressant. On s'en reparle la semaine prochaine. Avec plaisir, Danny. Voilà. Donc, c'était la chronique du club de golf de Chibougamau avec Michel Lallemand.